と。Salut, salut, salut. Monsieur Tone Well. Je sais pas comment tu t'appelles, je m'en rappelle plus. J'ai remis... Attends, j'entends plus. Rhea Ninja et Reaper. Je sais pas sur quoi tu bosses, toi. Parce que Jam Tabas, ça marche plus. Sur mon ordinateur. English. I talk to Tonewell. Tonewell is a French boy. He understands French. I don't want to talk in English with Tonewell. I ask to him because I have a technical problem with my computer. Voilà. Oui, je voulais te demander. Ouais, Logic Pro. Ah ouais, d'accord. Bon ben. En général, ma fille, elle a un Apple, c'est vrai que ça marche pas. Ça commence à me saouler, moi, cet ordinateur. Je crois que je vais prendre un Apple. Parce que Jam Tabas, il veut plus marcher sur la nouvelle version de... J'ai une mise à jour Windows 10 et une mise à jour, depuis ça marche plus. Ça bug. Chaque fois que je lance un VST, ça s'arrête. Ça bloque tout. Dommage. Bon ben merci pour l'info. Du coup quand tu lances une séquence, tu la mets sur Logic Pro, c'est ça? Et tu synchronises, c'est ça? Je vois qu'il y a une synchro avec Rhea Ninjam, t'as une synchro aussi. Start Reaper Playback on Next Loop. Bon, ça a l'air de marcher, mais... C'était bien le looper, j'aimais bien le looper moi.